Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 4. Or, une certaine femme d'entre les femmes des prophètes criait à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et toi, tu sais que ton serviteur fut craignant le Seigneur. Et voilà qu'un créancier vient afin de prendre mes deux fils pour le servir. Élisée lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Et elle répondit, je n'ai, moi, ta servante, dans ma maison, qu'un peu d'huile dont je moins. Il lui dit, va, emprunte de tes voisines un grand nombre de vases vides, puis rentre et ferme ta porte. Puis rentre et ferme ta porte lorsque tu seras dedans, toi et tes fils. Verse de cette huile dans tous ces vases, et quand ils seront pleins, tu les emporteras. C'est pourquoi cette femme s'en alla et ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et lui versaient l'huile. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il lui répondit, je n'en ai point. Et l'huile s'arrêta. Or cette femme vint et raconta tout à l'homme de Dieu. Et lui, va, dit-il, vends l'huile et rends à ton créancier ce qui lui est dû. Mais toi et tes fils vivez avec le reste. Or un certain jour arriva et Élisée passait par Sunam. Or il y avait là une femme considérable, laquelle le retint pour qu'il mangeât du pain. Et comme il passait souvent par là, il allait loger chez elle pour manger du pain. Cette femme dit à son mari, je m'aperçois que c'est un saint, cet homme de Dieu, qui passe par chez nous fréquemment. Faisons-lui donc une petite chambre, et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que lorsqu'il viendra chez nous, il demeure là. Un certain jour arriva donc, et Élisée venant, alla loger en cette chambre et s'y reposa. Et il dit à Guézi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Lorsque Guézi l'eut appelée et qu'elle se tenait devant lui, il dit à son serviteur, dis-lui, voilà que tu nous as servi soigneusement. Que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu quelque affaire? Et veux-tu que je parle au roi ou au prince de la milice? Elle lui répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit encore, que veut-elle donc que je fasse pour elle? Et Guézi répondit, ne cherchez pas, car elle n'a point de fils et son mari est vieux. C'est pourquoi il ordonna de l'appeler. Et lorsqu'elle eut été appelée et qu'elle se tenait devant la porte, il lui dit, dans ce temps et à cette même heure, si tu vis encore, tu auras en ton sein un fils. Mais elle répondit, non, je te prie, mon Seigneur, homme de Dieu, non, ne mens pas à ta servante. Et cette femme conçut, et elle enfanta un fils dans le temps et à la même heure qu'Élisée avait dit. Or l'enfant grandit, et comme il arriva un certain jour qu'il était sorti vers son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Celui-ci dit à son serviteur, prends cet enfant et conduis-le à sa mère. Lorsque le serviteur l'eut pris et l'eut conduit à sa mère, celle-ci le mit sur ses genoux jusqu'à midi, et il mourut. Or elle monta et le plaça sur le lit de l'homme de Dieu, et elle ferma la porte. Et étant sortie, elle appela son mari, et dit, envoie vers moi, je te conjure, un de tes serviteurs et une ânesse, pour que je coure jusqu'à l'homme de Dieu, et je reviendrai. Son mari lui demanda, pour quel motif vas-tu vers lui? Aujourd'hui ce ne sont point des calendes ni un sabbat. Elle répondit, j'irai. Et elle sella l'ânesse, et ordonna à son serviteur, conduis et hâte-toi, ne me retarde point en allant, et fais ce que je t'ordonne. Elle partit donc et vint vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Et lorsque l'homme de Dieu l'eut vue en face de lui, il dit à Guézi son serviteur, voilà cette Sunamite. Va donc à sa rencontre et dis-lui, tout va-t-il bien pour vous, pour votre mari et pour votre fils? Elle répondit, bien. Et lorsqu'elle fut venue vers l'homme de Dieu sur la montagne, elle saisit ses pieds. Et Guézi s'approcha pour l'écarter. Mais l'homme de Dieu dit, laissez-la, car son âme est dans l'amertume, et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Cette femme lui dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe point? Élisée dit à Guézi, saint Airain, et prends mon bâton en ta main, et va. Si un homme te rencontre, ne le salue point. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds point, et mets mon bâton sur la face de l'enfant. Or la mère de l'enfant dit, Le Seigneur vit, et ton âme vit, je ne te quitterai point. Il se leva donc et la suivit. Or Guézi était allé devant eux, et avait mis le bâton d'Élisée sur la face de l'enfant. Mais il n'y avait en lui ni parole, ni sentiment. Il retourna à la rencontre de son maître et le lui annonça, disant, L'enfant ne s'est pas levé. Élisée entra donc dans la maison, et voilà que l'enfant mort gisait sur son lit. Et étant entré, il ferma la porte sur lui et sur l'enfant, et adressa des prières au Seigneur. Puis il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. Et il se courba sur lui, et la chair de l'enfant fut échauffée. Or étant revenu du lit, il se promena dans la maison, une fois ici et une fois là. Et il monta et se coucha sur l'enfant. Et l'enfant bâilla 7 fois, et il ouvrit les yeux. Cependant Élisée appela Guézi et lui dit, Appelle cette Tsunamite. Elle, ayant été appelée, entra auprès d'Élisée. Et Élisée dit, Emmène ton fils. Cette femme vint et se jeta à ses pieds, et se prosterna jusqu'à terre. Et elle prit son fils et sortit. Et Élisée retourna à Galgala. Or la famine était sur la terre, et les fils des prophètes habitaient auprès de lui. Il dit donc à l'un de ses serviteurs, Prends la grande marmite et fais cuire un mets pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit dans la campagne pour cueillir des herbes des champs. Et il trouva comme une vigne sauvage, et il en cueillit des coloquintes sauvages, et il remplit son manteau. Et étant revenu, il les coupa par morceaux dans la marmite pour le mets, car il ne savait ce que c'était. Il les versa ensuite de la marmite pour les serviteurs d'Élisée. Mais lorsqu'ils eurent goûté de ce mets, ils crièrent, disant, La mort est dans la marmite, homme de Dieu, et ils ne purent manger. Mais Élisée, apportez, dit-il, de la farine. Et lorsqu'ils en eurent apporté, il la mit dans la marmite. Et dit, versez-en pour la troupe, afin qu'ils en mangent. Et il n'y eut plus aucune amertume dans la marmite. Or, un certain homme vint de Baal-Salisa, portant à l'homme de Dieu des pains des prémices, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans sa besace. Élisée dit à son serviteur, Donne au peuple afin qu'il mange. Et son serviteur lui répondit, Qu'est-ce que cela pour que je le serve à 100 hommes? Élisée dit de nouveau, Donne au peuple afin qu'il mange. Car voici ce que dit le Seigneur, ils mangeront et il en restera. Il mit donc les pains devant eux, et ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.